Troisième temps de notre série Relire la Révolution française, alors qu'une nouvelle représentation cinématographique de cette révolution sort ce matin en salle, celle de Pierre Scheler, l'auteur de Un peuple et son roi. Un peuple et son roi, le film de Pierre Scheler qui sort en salle ce matin, s'interrompt à la mort de Louis XVI et n'aborde donc pas la période 1793-1799 qui sera, elle, au cœur de notre débat de ce matin dans lequel nous discuterons justement des termes comme celui de terreur, de tribunal révolutionnaire ou encore de directoire. Comment cette période de l'histoire de notre révolution est-elle relue aujourd'hui? C'est ce que nous verrons avec nos quatre invités. Annie Jourdan, elle est chercheuse à l'Université d'Amsterdam et à Paris 1 Sorbonne et elle est auteure juste avant l'été d'une nouvelle Histoire de la Révolution française parue chez Flammarion. Antoine Boulan est avec nous également, il est historien et auteur du Tribunal révolutionnaire qui sortira chez Perrin le 18 octobre prochain, c'est-à-dire dans un peu moins d'un mois. Yannick Bosque est également avec nous, il est maître de conférence à Rouen, il est co-auteur avec Marc Bellissa du Directoire La République sans la démocratie aux éditions La Fabrique. Et enfin Jean-Clément Martin est professeur émérite à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française, et il publie deux livres à peu de temps d'intervalle, Les échos de la terreur, vérité et mensonges d'État 1794-2001 aux éditions Belin, et également le 5 octobre prochain avec Philippe Joutard, Camisard et Vendéen, deux guerres françaises, deux mémoires vivantes aux éditions Alcide. Bonjour Annie Jourdan, bonjour à vous Yannick Bosque, bonjour. Bonjour à vous Antoine Boulan, bonjour Annie Jourdan. Et bonjour Jean-Clément Martin, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France dans cette bonne ville de Poitiers qui nous réunit l'un et l'autre, et vous êtes donc Jean-Clément Martin, l'auteur de deux livres qui viennent de sortir, dans l'un d'entre eux, sur les échos de la terreur chez Belin. Vous nous expliquez un peu ce que nous disait hier Antonino De Francesco à propos de son travail sur l'historiographie de la Révolution française depuis 200 ans, que les temps ont changé, c'est-à-dire qu'on ne parle peut-être plus de la Révolution française de la même manière qu'on en parlait, mettons, dans les années 60 ou dans les années 70. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant les temps ont changé? Ce que je veux dire, c'est que dans cette collection qui s'appelle Les Contemporaines, la réflexion que j'ai voulu mener sur la terreur, c'est d'essayer de comprendre en quoi ce qu'on appelle la terreur a cessé aujourd'hui d'être contemporaine. C'est-à-dire que quand nous parlons de terreur, instinctivement, les plus vieux d'entre nous, nous nous référons immédiatement, bien sûr, à la terreur qu'on appelle la terreur de 1794. En définitive, ce qui se passe aujourd'hui, et peut-être depuis le début du XXe siècle, et sûrement après 2001, c'est de penser que la terreur a perdu, comme je l'écris en fin de livre, sa majuscule, que nous sommes rentrés dans un autre type de terreur, et ce livre essaie de montrer exactement quand la désignation de terreur est née, c'est-à-dire très précisément un mois après la mort de Robespierre. Grâce pourquoi ou à cause de Tallien? Absolument, involontairement, mais ça, pourquoi ça a très bien marché? Parce que tout le 19e siècle et le 20e siècle, pour des raisons esthétiques, pour des raisons philosophiques, qu'on pense à Hegel, mais aussi pour des raisons religieuses, a continuellement réanimé cette désignation de la terreur avant que, depuis, grosso modo, la terreur de la Première Guerre mondiale, des guerres coloniales, et notamment en Afrique, mais enfin les problèmes liés au totalitarisme fassent que le mot terreur commence à se diluer, change de sens, et puis ce qui s'est passé depuis 2001 avec cette expansion du terrorisme fait, me semble-t-il, que cette terreur qui nous a marqué, autour de laquelle nous avons constitué une culture, eh bien, cette terreur-là nous s'éloigne et qu'elle sort de notre champ culturel. D'autant que certains ou certaines, comme vous, Annie Jourdan, mettent un S à cette terreur, enlèvent la majuscule et disent « il y a des terreurs diverses et variées, comme pour relativiser l'exceptionnalité du moment de la terreur, en parlant de terreur réplique, par exemple, à propos de l'assassinat de Le Peltier en janvier 1793, ou encore de celui de Marat, donc, et en évoquant une terreur royaliste ou une terreur royale, dites-vous, Annie Jourdan. Oui, on l'oublie un peu trop souvent, la terreur royale. C'est le terme des contemporains, du reste. C'est pas moi qui l'ai inventé. Les contemporains parlaient de terreur royale ou de terreur royaliste. Mais je voudrais revenir sur les temps qui ont changé. Les temps n'ont pas changé, en tout cas sur l'interprétation des événements révolutionnaires. Oui, mais on croit toujours en la terreur, on écrit toujours la terreur avec une majuscule. Alors qu'en effet, à mon avis, d'après mes recherches, la terreur devrait être en minuscule avec un S, puisqu'il y a des terreurs diverses et variées, comme je dis, qui émanent soit de royalistes, soit de la cour, soit des princes de sang, soit des provinciaux, parce qu'il y a aussi une terreur dans les départements. Oui, mais en disant cela, évidemment, vous savez bien que vous allez être la cible de ceux qui pensent qu'il y a justement un moment de la Grande Terreur en particulier, et que ce moment est un moment exceptionnel qu'il ne faut pas justement relativiser en mettant un petit T ou des S. Oui, mais au lieu de l'appeler terreur, on devrait l'appeler, comme le fait Jean-Clément Martin du reste, gouvernement d'exception, gouvernement de salut public, qui reprend en main justement ces terreurs, qui reprend en main la situation pour éviter ces terreurs diverses et variées. Parce que, dites-vous, et c'est ce que vous tentez d'expliquer dans votre nouvelle histoire de la Révolution française chez Flammarion, il faut repenser cette question à partir de ce prisme de l'unité que souhaitait justement le gouvernement révolutionnaire, qui ne voulait pas justement de factions, de divisions, et qui va être pris dans cette logique justement des factions et des divisions, et qui va les régler, ces factions, par la répression féroce qu'on a pu connaître justement entre 1793 et 1794. La répression féroce est un grand mot, parce qu'il y avait tout de même des barrières contre une répression féroce. Ce qui était féroce, c'était les assassinats qui se produisaient dans les départements, comme à Nîmes, par exemple. Ça a commencé en 1790. Alors, la bagarre de Nîmes. En même temps que se déroulait donc justement cet épisode dit de la terreur avec un grand T, on instaurait un tribunal d'exception. Antoine Boulan, votre livre paraît très bientôt chez Perrin, puisqu'il paraîtra le 18 octobre sur le tribunal révolutionnaire. Et vous essayez dans ce livre d'analyser avec à nouveau frais, pourrait-on dire, ce qu'a été véritablement ce tribunal révolutionnaire, sur lequel vous dites, c'est curieux, il n'y a pas eu beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés sur ce tribunal révolutionnaire, et vous vous attaquez donc à ce qu'il a fait, ce qu'on a dit qu'il avait fait, ses prédécesseurs, et en particulier ce tribunal qui est instauré après les journées du 10 août 1792, le tribunal du 17 août, et qui tous mettent en place justement une justice d'exception, mais qui n'est pas totalement exceptionnelle, dites-vous. Ce tribunal révolutionnaire, effectivement, est, je dirais, connu de tous. Enfin, dans ce qu'on appelle traditionnellement la mémoire collective, tout le monde a entendu parler à un moment ou à un autre du tribunal révolutionnaire et de son fameux accusateur public, Antoine Quentin Fouquier-Tinville, au point qu'aujourd'hui, dans le monde judiciaire, on se traite encore de Fouquier-Tinville lorsqu'on veut se dénoncer mutuellement. Ce tribunal, effectivement, a fait l'objet de relativement peu de travaux, avec des connotations tantôt très anecdotiques, parce qu'effectivement, la manière dont le tribunal a agi a pu exciter certaines imaginations nostalgiques d'un point de vue ou d'un autre, ou de travaux qui n'étaient pas véritablement scientifiques. L'ouvrage le plus ancien, qui est encore celui dans lequel on peut puiser, à mon avis, avec le plus de bonheur, date de la fin du 18e. C'est un vieux livre de 1880 qui a été publié en 6 tomes, 3000 pages par l'historien Henri Vallon, qui a dépouillé la totalité ou la quasi-totalité des dossiers d'instruction et des dossiers d'audience durant la période terroriste, qui va donc de la première audience du tribunal le 6 avril 1793 à sa dernière audience le 27 juillet, avant que les robespierristes eux-mêmes ne comparaissent en un temps record d'ailleurs, puisque une simple constatation d'identité suffisait devant le tribunal. Donc ça fait plus de 4000 prévenus qui ont effectivement comparu sur les bancs du tribunal révolutionnaire. Et lorsqu'on voit dans le détail les raisons, les motifs, les chefs d'inculpation qui ont fait que ces milliers d'individus anonymes, pour l'immense majorité d'entre eux, ont comparu, là, je pense quand même que l'on peut distinguer ce que Madame Jourdan appelait tout à l'heure une certaine férocité. C'est-à-dire que tout dépend du curseur que l'on met sur le terme férocité. Est-ce qu'on parle de nombre? Est-ce qu'on parle de nature de sanctions? Est-ce qu'on parle des raisons réelles pour lesquelles ces inculpés ont été condamnés à mort? Je pense que le débat est là et il est absolument évident que dans une justice d'exception comme celle du tribunal révolutionnaire, il y a eu des condamnations sur des motifs qui étaient surexagérés, surinterprétés, surdramatisés, et que l'on a conduit à la mort des milliers de personnes pour des motifs qui ne relevaient pas d'une menace véritable contre la sûreté du gouvernement révolutionnaire. Peut-être que les personnes qui jugeaient pensaient que c'était réellement dangereux. Je pense qu'il y a un problème psychologique qu'il faudrait pas ignorer. Oui, ben c'est tout le débat. C'est-à-dire que on revient un petit peu sur ce débat entre la terreur née des circonstances et la terreur née d'un système de pouvoir, d'un système de gouvernement généré lui-même par une dynamique révolutionnaire consistant à fabriquer des ennemis, car la révolution... Mais il y avait des ennemis, c'est ça le voilà, problème. Alors, il y en avait. Bien sûr, on ne va pas nier la contre-révolution et l'anti-révolution, qui sont deux phénomènes différents mais complémentaires, sont des réalités absolument objectives qu'il n'est pas question de nier. Mais je pense que ces circonstances ont été un révélateur et je dirais un démultiplicateur de cette notion de suspicion, de suspect, de contre-révolutionnaire qui a amené... D'ennemis du peuple. Aussi. D'ennemis du peuple. Alors ça, c'est un concept qui apparaît plutôt dans le fameux décret du 10 juin 1794 du 22 Prière à Arlande II que Madame Jourdan connaît bien. Mais c'est vrai que il y a, je pense, dans ce processus révolutionnaire, quelque chose qui fait que ces révolutionnaires se définissent autant par des valeurs auxquelles ils adhèrent que par des valeurs et des individus qu'ils combattent. Et Saint-Just avait dit « La République, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé ». Je pense que la Révolution se définit aussi, pas seulement, mais aussi, par cette différence qu'elle marque vis-à-vis de ses adversaires et de la répression qu'elle mène à leur égard pour se définir. Vous voyez, Jean-Clément Martin, que c'est pas fini. Oui, non. Mais que les temps n'ont pas tellement changé, on arrive quand même à s'étriper autour du tribunal révolutionnaire ou de la terreur. Oui, c'est vrai, vous avez raison, on s'étripe, mais je pense qu'on s'étripe à tort, pour le dire les choses simplement. Il me semble impossible de qualifier la période qui s'arrête grosso modo en juillet 1794 de période terroriste. Le mot n'existe pas. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais entre la confusion de la désignation et l'emploi des mots d'une façon imprécise, il y a quelque chose qu'il faut marquer fermement. Les révolutionnaires de la Convention, Robespierre en fait partie, se sont opposés à ce qu'un régime de terreur existe. On n'y peut rien, c'est comme ça. Le problème est que précisément un mois après, Tallien va imposer l'idée que tout s'appelle terreur et que c'est Robespierre qui en est responsable. Ce qui s'est passé avec le tribunal révolutionnaire, c'est qu'on le veuille ou non, une amélioration par rapport à la violence féroce qui avait eu lieu notamment en province et notamment à Nantes. Le tribunal révolutionnaire, au moins jusqu'en mai 1794, est un tribunal qui juge avec modération par rapport à ce qui s'était passé à Lyon et à Nantes. Ce qui se passe après juin 1794, c'est un emballement qu'on connaît bien, provoqué par Vadier contre précisément Robespierre. Alors, je crois qu'il est nécessaire de revenir à une analyse factuelle, historienne précise, et à ne pas s'emballer ni sur des questions psychologiques qui n'ont rien à faire ici, ni sur des considérations générales qui n'apportent rien. Mais l'élimination de ses adversaires dans le sang, par exemple, pensant peut-être honnêtement qu'il y a soit des accapareurs, soit des complots, soit des contre-révolutionnaires. On peut peut-être leur accepter cette idée-là. C'est tout de même quelque chose qui est difficile à accepter aujourd'hui. Et quand vous dites, Jean-Clément Martin, que c'est un progrès, je pense que beaucoup des auditeurs qui sont de l'autre côté du poste doivent sursauter, en l'occurrence. Non, ce que je veux dire très précisément, c'est qu'entre la violence, on va dire sans culotte, populaire, voilà, risquons le mot, qui s'est déroulée à Bordeaux, à Marseille, à Toulon, à Nantes et à Lyon, jusque dans l'hiver 1793, le tribunal révolutionnaire a constitué vraiment là, à une amélioration, on prendra le mot avec précaution, mais à une amélioration dans l'établissement de la justice pour éviter, comme l'avait dit Danton, que le peuple soit terrible. C'est abominable. Soyons terribles pour éviter au peuple de l'être. Pour éviter que Danton, le peuple de l'être. C'était le 10 mars. Bon. Yannick Bosc, c'est clair là-dessus. Yannick Bosc qui n'est pas encore intervenu parce que la période qu'il couvre avec Marc Bélissin dans son livre Le Directoire, La République sans la démocratie, c'est la période postérieure justement à cette question de la terreur. Si je vous pose la même question que j'ai posée aux trois autres, les temps ont-ils changé par rapport au Directoire? Vous me répondez quoi, par exemple, au regard que l'on porte sur le Directoire? Oui, les temps ont changé sur l'approche qu'on a du Directoire. L'historiographie s'est profondément renouvelée. Et en particulier, on peut se demander comment ceux qui fabriquent la notion de terreur, alors T majuscule ou pas. Un T majuscule est intéressant parce que ça renvoie à une catégorie. C'est une catégorie politique d'abord, une catégorie qui est fondée par les thermidoriens et qui va devenir aussi une catégorie historiographique. Du 19e et du 20e siècle. Voilà. Le problème, c'est que souvent, les historiens auront repris, sans véritablement la mettre à distance, la catégorie politique des thermidoriens, sans l'interroger et sans l'approfondir. Ce que l'on voit quand on travaille sur le Directoire ou sur Thermidor qui fabrique le Directoire, c'est que la notion de terreur, c'est effectivement quelque chose qui stigmatise et qui désigne ce qu'on a retenu, c'est-à-dire le sang de la terreur, la répression, le tribunal, etc. Et Jean-Clément Martin, à juste titre, rappelle qu'il s'agit d'encadrer des pratiques et de donner donc un cadre légal à une répression. Et toute guerre civile n'est pas un moment de gaieté, de tranquillité, c'est un moment de violence. Oui, parce que vous insistez, enfin en tout cas Annie Jourdan insiste beaucoup sur cette notion de guerre civile pour essayer de comprendre ce qui se passe pendant la Révolution française en France. Tout à fait. Et quand on regarde le discours des thermidoriens et de ceux qui vont être au cœur du Directoire, la terreur pour eux, ce n'est pas seulement le sang de la terreur. La terreur pour eux, c'est ce qu'ils appellent l'anarchie. La terreur, c'est l'anarchie, c'est le peuple constamment délibérant. La terreur, c'est l'opposition organisée, dit Boissy d'Anglas, parce que Robespierre, dans sa constitution, favorise l'opposition et donc pas le monolithisme. La terreur, c'est donc le peuple qui est en acte. La terreur, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la démocratie. Donc il faut, à mon avis, tenir les deux éléments, et les travaux historiques qui sont faits sur Thermidor et le Directoire nous incitent à le faire, tenir à la fois une terreur qui est celle du sang et une terreur qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Oui, c'est ça qu'il faut interroger. Cette question, effectivement, qui vient des travaux de Rancière en particulier, sur la différence entre démocratie et république, Yannick Bosc. Dans le 18e et sous la Révolution, la distinction ne se fait pas. C'est-à-dire que ce qu'on appelle république et qu'on réduit de manière... à mon avis, problématique à une forme de gouvernement qui serait l'opposition à la monarchie. Quand on regarde les sources, la mise en œuvre de la démocratie, c'est ce qui constitue la République. La République est constituée par la mise en œuvre des principes de la Déclaration des droits, même dans le tribunal révolutionnaire ou même dans ce qu'on appelle la terreur. Il s'agit de mettre en œuvre les droits de l'homme. Et je finirai là-dessus pour cette première intervention. Je rappellerai que pour les thermidoriens et qu'un certain nombre de politiques du Directoire l'affirment également, la terreur n'est pas la négation des droits de l'homme. La terreur est inscrite dans les droits de l'homme. La terreur, c'est ce qui est mis en œuvre dès 89. C'est-à-dire dans la critique, il faut bien préciser pour nos auditeurs, dans la critique que font les thermidoriens de cette période de la terreur, ils mettent d'une certaine façon, ils jettent le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que la déclaration des droits de l'homme conduit inévitablement à cet épisode qu'on a appelé terreur. C'est ce que absolument, vous expliquez avec Marc Bélissa. Voilà. Et donc, ils voudraient supprimer tout cet épisode de la Révolution française parce que, tout compte fait, ça ne convient pas à ce que vous appelez la République marchande ou la République bourgeoise qui s'instaure à partir du moment du Directoire, c'est cela? Oui, là, ce que Boissy d'Anglas appelle la République des propriétaires. Hein. Voilà, c'est-à-dire quand on lit ces sources et les travaux, vous parlez des nouveautés autour de ces approches-là, les travaux sur Thermidor ou le directoire montrent que la déclaration des droits, donc, étant non pas vue comme ce qu'on a aujourd'hui en tête, c'est-à-dire une espèce de prêt à penser libéral au sens économique du terme, où on libérerait l'individu et sa capacité à entreprendre, mais on est au contraire devant un dispositif qui favorise la démocratie, qui favorise l'égalité et qui est lu à l'époque comme terroriste. Oui, mais eux ne la suppriment pas, les directoriaux. C'est Napoléon qui la supprime. Non, mais il fabrique une déclaration 95 qui est totalement vidée de son contenu. Par rapport à la constitution de l'an 3, expliquez-vous avec Marc Bélissa, Yannick Bosque. Peuple français, peuple de frères, peux-tu voir son frémir d'horreur, le crime arboré, les bannières du carnage et de la terreur. Tu souffres qu'une horde atroce et d'assassins et de brigands souille par son souffle féroce le territoire des vivants. Représentant d'un peuple juste, ô vous législateurs humains, de qui la contenance auguste fait trembler nos villes assassins. Suivez le cours de votre gloire, vos noms chers à l'humanité, dans le doux temple de mémoire, au sein de l'immortalité. À qui périssent ces infâmes et ces égorgeurs dévorants qui portent au fond de leur âme le crime et l'amour vêtement. Mane plaintive de l'innocence, apaisez-vous dans vos tombeaux. Le jour tardif de la vengeance fait enfin pâlir vos bourreaux. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une Fabrique de l'Histoire consacrée à la période qui court de la Terreur à la fin du Directoire, en nous demandant ce que l'on peut relire, comment on peut relire cette période historique extrêmement trouble et très variée, pourrait-on dire. On vient d'entendre Le Réveil du Peuple, qui est une sorte d'anti-marseillaise, justement composée pendant la période du Directoire. Et c'est vrai que lorsqu'on n'y prête pas garde, on ne sait pas très bien qui sont les égorgeurs dévorants qui sont dénoncés dans ce Réveil du Peuple, qui par ailleurs a consacré un couplet à la ville de Lyon, cette fameuse ville donc qui s'était révoltée contre la Révolution. Mais là, en l'occurrence, les bourreaux ne sont pas ce qu'on croit, puisque c'est effectivement un texte qui date de la période du Directoire et qui donc pointe du doigt en particulier ce qu'on a appelé les terroristes, c'est-à-dire Robespierre et ceux qui sont près de lui. Antoine Boulan, vous évoquez ce tribunal révolutionnaire dans le livre Apparaître le 18 octobre prochain. Et à propos de ce tribunal révolutionnaire, vous dites il y a des formes qui sont des formes juridiques et judiciaires qui sont tout à fait précises, qui ont été mises en place, qui vont sauter au moment du 22 prairial, mais qui jusqu'à ce mois de juin 1794 sont des formes tout à fait normées, pourrait-on dire, de justice. Vous mettez l'accent, par exemple, sur le fait que ce tribunal révolutionnaire, eh bien, libère beaucoup de ceux qui passent devant lui, à peu près 50%, 53% des gens qui sont passés devant le tribunal, dites-vous, alors, ont été condamnés à mort et exécutés, et les autres non. Voilà, c'est-à-dire que quand on prend l'ensemble de la période qui va du 6 avril 93, premier procès public, jusqu'au 27 juillet 1794, la chute de Robespierre, on a en gros un peu plus de 4000 individus qui comparaissent sur les bancs du tribunal révolutionnaire et 2625 condamnés à mort, ce qui représente une proportion d'environ 64% pour à peu près un tiers d'acquittés. Et jusqu'à ce fameux décret du 22 prairial en 2, qui, on va le rappeler rapidement, supprime les défenseurs, les témoins et ne prévoit comme seule peine que la mort, à l'exclusion donc des travaux forcés, de la déportation ou de la détention qui était beaucoup plus fréquemment appliquée avant, jusqu'à ce décret du 22 prairial, il y a pratiquement 40% d'acquittement, effectivement, et 60 ou un peu moins pourcentage de condamnation à mort. Après, vous parlez effectivement des procédures et des formes, effectivement, il faut rappeler que ce n'est pas la terreur qui a inventé naturellement le concept de tribunal. Le tribunal révolutionnaire a été calqué sur ce que vous avez appelé tout à l'heure le tribunal mis en place le 17 août 1792, dont on n'a pas trop le temps de parler maintenant, et qui lui-même s'inspirait fortement du modèle qui avait été donné par les tribunaux criminels de département mis en place par l'Assemblée constituante en 1791. Et ce tribunal révolutionnaire, effectivement, comportait 5 juges, 12 jurés, un accusateur public et un avocat, un défenseur, que tout prévenu pouvait choisir en le rémunérant ou pouvait se faire désigner d'office par le tribunal s'il n'en avait pas les moyens. Donc c'est vrai que les formes judiciaires, au sens où nous les entendons aujourd'hui, ont été globalement respecté pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Alors, Monsieur Martin nous dit que le tribunal était relativement modéré jusqu'au mois de mai 1794. Je rappellerai quand même que la Convention a voté un décret le 29 octobre 1793, au moment du procès des Girondins, qui décrétait que les jurés du tribunal pouvaient se déclarer éclairés au bout du matin de la quatrième audience s'ils pensaient que leur conviction était faite. Et à partir du moment où leur conviction était faite, il n'y avait plus de plaidoirie de la défense, il n'y avait plus d'audition de témoins, et la sentence était rendue immédiatement. Ce n'est pas exactement ce que j'appelle le respect d'une procédure judiciaire normale. Monsieur Martin et donc Madame Jourdan, puisque Monsieur Martin et Madame Jourdan oui. veulent vous répondre, Antoine Boulan. Monsieur Martin, brièvement. Brièvement. Je me porte quand même en mon faux sur ce que Monsieur Boulan vient de dire, parce que ce que je dis très exactement, c'est que la violence qui existait, notamment en province, jusqu'en décembre 1793, était une violence vraiment abominable. Et que ce qui s'est passé... Vous voulez dire les règlements de compte, comment pourrait-on appeler ça? Les fusillades, les massacres, les exécutions sommaires, etc., notamment qui se passent à Lyon et à Nantes. Enfin, bon, je pense que là-dessus, tout le monde est bien d'accord là-dessus. C'est affreux ce qui se passe. Bon. Et le respect des formes juridiques n'existe pas, notamment dans les commissions militaires. La Convention installe un contrôle dès la loi des suspects, qui est un contrôle sur les comités de surveillance, installe quelque chose qui se met en place progressivement et surtout envoie à Paris et supprime de ce point de vue-là les armées révolutionnaires et ces fameuses commissions, sauf deux qu'elle laisse, une à Orange, avec l'approbation du comité de salut public en entier, et une après qui ira à Arras. Mais tout le reste est contrôlé par Paris, et je crois que là-dessus, il faut être vraiment très clair. Je suis bien d'accord que le pourcentage d'envoi à la guillotine est élevé par rapport à ce qui se passait dans les commissions militaires à Nantes et à Angers. C'est une amélioration considérable. Et il me semble aussi... Alors, ça Antoine Boulan opine du bonnet pour amélioration considérable, il est moins d'accord, mais on s'en doutait. Ah bah oui, non, parce que passe aussi après le décret de Prérial, après le décret de Prérial, il faut quand même le rappeler, le décret de Prérial ne crée pas quelque chose du fait de Robespierre, le comité de salut public en entier l'a accepté pour Orange. Et le comité de Prérial apparaît pour les conventionnels une menace contre eux. Et c'est à partir de cela, notamment, que Vadier va lancer avec Fouquier-Tinville cette opération de purge dans les prisons pour mettre sur le dos de Robespierre la nausée de la guillotine et envoyer le plus grand nombre de prisonniers à la guillotine. Donc là aussi, il ne faut pas oublier ce phénomène-là qui est abominable. Alors là, on abandonne les formes, mais on est rentré dans le complot contre Robespierre qui change totalement la donnée. D'accord. Annie Jourdan. Vous dites que le tribunal révolutionnaire, après la loi du 22 Prérial, a le choix entre la liberté ou la mort. Mais c'est oublier le travail des deux commissions populaires du muséum qui ont été instituées. Ah, il faut peut-être les préciser pour nos auditeurs qui ne les connaissent pas. Je voudrais essayer d'expliquer. À la base, vous avez les comités révolutionnaires qui arrêtent les suspects. Ensuite, les comités révolutionnaires renvoient les suspects aux deux commissions populaires qui siègent au muséum, c'est-à-dire au Louvre. Et les commissions populaires dont on a retrouvé des tableaux, peuvent envoyer, peuvent proposer la détention, la déportation ou la remise en liberté. Et de cette façon, un tiers des suspects a échappé au tribunal révolutionnaire. Elles ont, vous voulez dire que c'est une, elles ont traité le c'est cas. C'est un niveau, une justice, entre guillemets, de premier niveau avant d'arriver devant la justice du tribunal révolutionnaire. Très brièvement, Antoine Boulan, sur ces commissions et le rôle qu'elles ont pu jouer. Mais écoutez, Madame Jourdan les connaît manifestement bien. Moi, j'ai lu malheureusement assez peu de choses sur ces commissions dites de décret de ventose, puisque Saint-Just avait prévu effectivement d'attribuer les biens de tous les suspects, de tous les condamnés à mort en particulier, aux patriotes nécessiteux. Donc on a mis en place très tardivement ces commissions qui ont, d'après ce que j'ai pu en lire, peu fonctionné. Et elles ont bel et bien fonctionné. Oui, elles ont traité entre 400 et 800 cas. Bon, mais... Les tableaux ont été, sont encore, on peut les retrouver aux archives. Oui, mais... Il faut retourner aux sources. Mais la seule chose, moi qui me gêne là-dedans, mais peut-être que vous aurez une explication à fournir, c'est que lorsque Georges Couton, le député montagnard, a présenté le rapport sur le décret du 22 Prairial en 2 à la Convention, il n'a fait strictement aucune allusion à ces commissions. Il n'a absolument pas présenté le décret du 22 Prairial supprimant les défenseurs et les témoins au tribunal révolutionnaire comme l'aboutissement de ces commissions. Non, j'aimerais parce que bien... ça allait de soi. Et les commissions populaires ont apporté leurs tableaux au comité de salut public et au comité de sûreté générale, les premiers 2 et 3 thermidors. Alors, on va donc pas ça bien, bel et bien fonctionner. Rentrer sur ces points qui ne sont pas des points de détail, mais ces points très précis pour nos auditeurs, puisque vous mentionnez Yannick Boss dans votre livre sur le directoire qui vient de paraître aux éditions La Fabrique, que disons ceux qui instaurent ce directoire après cette période dite de la Terreur prennent en bloc tout ce qui s'est passé entre 1789 et 1793, et comme le dit Boissy d'Anglas, ce sont 6 années qui ont duré 6 siècles, donc d'une certaine façon, ils veulent se débarrasser, dites-vous, c'est comme ça que vous le présentez dans votre livre avec Marc Bélissa, ils veulent se débarrasser de la totalité de cette période révolutionnaire, et pas simplement de cette période dite de la Terreur. Oui, parce qu'il faut un lien évident entre 1789, la Déclaration des droits, comme je disais tout à l'heure, de 89, celle de 93, qui la déplie en quelque sorte, qui explicite des points qui étaient des points encore... non réglé en 89. Pour donner un exemple très, très parlant, Jérémy Bentham, qui est en France à l'époque, qui est un des fondateurs de l'utilitarisme, en 1795, dit le langage de la Terreur, donc au moment où les thermidoriens rompent avec les principes de la Déclaration de 89, Bentham dit le langage de la Terreur est dans l'article 2 de la Déclaration des droits de 1789. Le but de toute association politique est de garantir les droits imprescriptibles de l'homme. Pour Bentham, républicain, qui va totalement dans le sens des thermidoriens, qui partage parfaitement leur thèse, pour Bentham, placé à gauche, du point de vue de l'histoire des idées, clairement, la déclaration de 89 est la matrice du langage totalitaire. C'est-à-dire qu'en gros, le peuple a pris au sérieux ses principes et le gouvernement est soumis à cette logique-là. Le gouvernement révolutionnaire est soumis à cette logique-là et le fait de prendre au sérieux la démocratie, de mettre en œuvre les principes de la déclaration de droit, engendre obligatoirement ce qu'on a connu et qu'on a appelé, et qu'on appelle à cette époque-là, qu'on commence à appeler la terreur. Et que Robespierre n'appelle pas terreur du tout, bien sûr. Ce que vous pointez du doigt dans votre travail avec Marc Bélissa, c'est justement cette distinction, et d'ailleurs c'est le cas aussi de tous les autres présents ici autour de cette table, entre le gouvernement et ce peuple mouvant qui veut, dites-vous Yannick Boss, que la démocratie, donc qui veut pouvoir décider, hormis les décisions qui seraient prises dans leur sein par ceux qui sont nommés au gouvernement, comme le comité de salut public par exemple. Oui, disons que là... Il y a dans la Révolution française des représentants du peuple qui essayent de traduire en loi un désir de justice qui se manifeste dès 1794. On parle de répression, mais il faut se rappeler que la loi martiale, c'est au tout début de la Révolution française, en octobre 89, et qu'il va y avoir des jacqueries paysannes massives qui vont être massivement réprimées, où ils demandent des droits, l'application des principes de la déclaration des droits, et on leur envoie la troupe, quoi. Enfin, les gardes nationaux. Donc il y a une forte répression. Et il y a aussi, du point de vue du débat d'assemblée, des positions politiques. Certains pensent qu'il faut mettre le peuple à distance, que la souveraineté finalement est dans les mains des représentants. D'autres pensent que le peuple reste le souverain. Démocratie directe ou démocratie représentative. C'est pas les catégories qu'on emploie à l'époque. Bien sûr, mais c'est. On est toujours dans de la représentation. Mais toujours. Voilà. Simplement, est-ce qu'on contrôle cette représentation ou est-ce qu'on délègue totalement les pouvoirs? Les Thermidoriens, le Directoire est un moment où on va confisquer la souveraineté populaire pour la donner à des experts et à des professionnels de la politique. C'est le vœu de Boissy d'Anglas. Avant, on n'a pas réussi à créer les conditions pour dissocier peuple et souveraineté. Donc on va utiliser ce qu'on va appeler la terreur et ce peuple anarchiste, délibérant, pour en faire un mauvais peuple et construire un bon peuple, celui des contribuables, des honnêtes gens, sur lesquels va pouvoir reposer la politique. Un type de république, donc, qui n'est pas une démocratie. Antoine Boulan, à propos du tribunal révolutionnaire, vous insistez beaucoup justement sur cette question de rapport entre l'exécutif, ce qu'on appellerait l'exécutif aujourd'hui, et le judiciaire, et les contraintes que l'un fait peser sur l'autre, parce que effectivement, ce comité de salut public va avoir de plus en plus de, disons, de prétentions, de volonté de mettre la main sur ce tribunal révolutionnaire, va changer la composition de ses membres pour pouvoir aller plutôt dans le sens de cet exécutif et plutôt justement dans ses visions de règlement de compte ou de, disons, de mise au pas des factions qui, selon les gens du comité de salut public, sont dangereuses pour la façon de faire perdurer la révolution. Mm-hmm. Antoine Boulan. Oui, je pense qu'il est très important de souligner cette dépendance du tribunal révolutionnaire à l'égard du pouvoir politique. C'est tout à fait fondamental. Le tribunal révolutionnaire est une juridiction d'exception à caractère politique, qui jugeait sans appel, il faut d'ailleurs le dire, c'est important. Il n'y avait pas de recours au tribunal de cassation, instauré en 1790, ce qui fait de cette juridiction une juridiction d'exception. Mais il y a effectivement des signes tout à fait tangibles qui plaident en faveur de cette dépendance de ce tribunal à l'égard du gouvernement. On ne peut absolument pas parler naturellement d'indépendance judiciaire. Quand on parle de justice d'exception, Vanessa Colaccioni, dans son livre sur la justice d'exception, l'a bien montré, on n'est pas dans les règles de ce qu'on pourrait appeler les règles ordinaires de la morale politique, on est dans autre chose, dans un autre domaine. C'est le moment de l'invention, par exemple, la catégorie de hors de la loi. Voilà, alors c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on définit ce concept que Éric de Marie a bien étudié, mais qui est effectivement là plutôt parallèle à la question du tribunal. Il y a un fait, par exemple, tout à fait caractéristique, je ne citerai que celui-là, j'en citerai deux. C'est d'abord la visite que l'accusateur public Fouquier-Tinville rendait tous les soirs au comité de salut public. Au comité de salut public et au comité de sûreté générale qui était responsable de la police politique. Vous imaginez aujourd'hui un président de cour d'assises aller tous les jours à Matignon ou à l'Élysée pour rendre compte des jugements rendus par sa juridiction, c'est impensable. Et le comité de salut public avait spécifiquement demandé à Fouquier-Tinville de lui envoyer régulièrement, premièrement, la liste de toutes les affaires qui étaient amenées à être jugées dans les semaines à venir et de lui envoyer tout aussi régulièrement la liste des individus qui avaient été condamnés à mort par le tribunal. Je l'ai retrouvée, cette liste, elle est aux archives nationales à Pierrefitte, donc ça n'est pas un mythe, c'est une réalité. Donc je pense que ça suffit pour démontrer naturellement que ce tribunal était tout à fait sous la dépendance du gouvernement. On parle de règlement de compte, pourquoi pas, je n'ai pas de preuves tangibles pour vous dire que Robespierre, Billaud-Varenne ou Collot d'Herbois ont expressément demandé à Fouquier-Tinville de condamner tel ou tel individu. Enfin, il me semble quand même relativement évident et lumineux qu'à partir du moment où effectivement l'exécutif demande au tribunal de lui communiquer la liste des individus jugés et condamnés, ça n'est pas pour rien. Yannick Bosque. Pas l'exécutif, le législatif. Et ça change absolument tout. C'est-à-dire que vous voulez dire la Convention. La Convention. Dans le sens où le comité de salut public était lui-même sous la dépendance de la Convention qui pouvait le renouveler. Le comité de salut public n'est pas un gouvernement. Quand certains députés, Merlin entre autres, proposent que le comité de salut public devienne un gouvernement, il y a une opposition de Billaud, entre autres, de Robespierre également. Quand Danton propose que le comité de salut public devienne un gouvernement, il s'y oppose en disant absolument pas, nous sommes le pouvoir législatif. Et donc on est dans un rapport à la répression, à la violence, qui est dans l'espace public et qui est contrôlé par le pouvoir élu, législatif, et pas dans l'exécutif et dans les commissions obscures que l'on trouve dans les ministères. C'est pas du tout le même monde. Vous voulez dire que c'est bien la Convention qui est, entre guillemets, à l'origine et au développement de ce tribunal révolutionnaire, et que le Comité de salut public n'est que l'instrument de la Convention et n'a pas d'autonomie propre, c'est ce que vous semblez absolument dire, Yannick Bosque. Les membres du Comité de salut public sont maintenus responsables dans leur fonction tous les mois. Ils doivent rendre compte, et dès l'instant où Robespierre et d'autres, Couthon, c'est juste on ne veut plus les voir, on s'en débrasse très très vite, comme le rappelait Jean-Clément Martin. Le complot contre Robespierre est extrêmement rapide. Donc c'est fondamental de savoir qu'on est effectivement dans du pouvoir législatif. Et je rappelle également que la Convention est un pouvoir constituant, et qu'un pouvoir constituant a totalement toute liberté pour générer de la loi et même des lois contraignantes. Ça se voit que vous dialoguez beaucoup avec les juristes, en l'occurrence. Et oui. Annie Jourdan, sur ces points. Moi, j'aurais aimé relire la Révolution et relire la Terreur à l'aune des autres révolutions de l'époque. Oui, vous êtes spécialiste en particulier de la République batave, et oui, pas simplement. Mais aussi les États-Unis. Les États-Unis. Et vous faites effectivement une sorte de comparaison dans votre nouvelle histoire de la Révolution française chez Flammarion entre ces différentes révolutions. Alors, une comparaison qui, hier, chez Antonino De Francesco, relativisait l'importance de la Révolution française et son exceptionnalité. Et d'une certaine façon, vous faites à peu près le même constat, mais oui. Sur la question de la violence en particulier. Je rappelle mon livre aussi qui s'appelait « La Révolution, une exception française » avec un point d'interrogation. J'ai été une des premières à montrer l'originalité de toutes ces, de la Révolution batave, de la Révolution, des révolutions italiennes ou des révolutions suisses. Mais là, dans ce livre, je m'interroge sur la violence dans les autres révolutions, justement. Est-ce que la France est une exception? Est-ce que la France est la seule à avoir connu la soi-disant terreur? Et les chiffres parlent pour eux-mêmes. Dites-nous. Aux États-Unis, par exemple, il y a plus d'émigrés qu'en France, c'est-à-dire plus de loyalistes qui sont obligés de quitter les États-Unis. Et du point de vue des pertes humaines, proportionnel, bien sûr. Hein. On a entre 0,9% et 1,52% de décès dû à la guerre d'indépendance et à la période qui s'ensuit, contre en France, je peux citer Guénifé, parce qu'il n'est pas, on ne va pas le soupçonner de marxisme ou de robespierrisme, lui. Guénifé dit donc 0,9, 1,52 pour les États-Unis, et Guénifé 0,76 à 1,15% pour la France. Oui, mais vous voyez bien que tenter de comparer des choses comme ça, qui sont évidemment des morts, des assassinats, des exécutions, d'un côté et de l'autre, ça peut paraître comme comparer, je ne sais pas, les morts de la maoïsme avec les morts du stalinisme, par exemple. Mais je suis très consciente de ce que je dis. J'avoue que la forme et l'intensité diffèrent, mais la logique est la même, c'est-à-dire qu'on veut éliminer l'adversaire. L'adversaire politique. Et dans les républiques bataves Les bataves sont tellement persuadés que c'est la faute de la France s'il y a eu une révolution en Hollande, qu'ils ne se sont jamais interrogés sur les violences révolutionnaires, alors qu'il y en a bel et bien eu, et que c'est grâce à l'armée française que ça n'a pas dégénéré. Donc les luttes partisanes sont partout présentes. Selon vous, même en Suisse. Il faut se poser la question justement de ces confrontations et de cette volonté d'éliminer l'adversaire dans toutes ces révolutions de la même période. La révolution divise la société, c'est tout. Toutes les révolutions. Toute révolution est une guerre civile. C'est ce que vous insistez, c'est ce sur quoi vous insistez dans votre travail, La nouvelle histoire de la Révolution française. Annie Jourdan. Oui, Yannick Bosque et peut-être Jean-Clément Martin qui n'est pas intervenu depuis un certain temps. Oui, simplement pour rappeler que Robespierre dit à un moment donné, fonder la République n'est pas un jeu d'enfant. Rares sont des situations où, rappelle Mathier, hein, Barrère le dit aussi. Grand historien de la Révolution française, disait que quand on est en train de transférer les propriétés, transférer le pouvoir d'une monarchie qu'il a possédée pendant des siècles, hein, et de puissants qui tentent de se l'accaparer au moment de la Révolution française, quand on essaie de toucher à ça, au pouvoir de la bourgeoisie aussi à l'époque, dès l'instant on touche à ça, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils ne réagissent pas, enfin, et que les choses se fassent gentiment. Oui, c'est aussi une vision assez léniniste de ce qu'a été cette révolution française, ce que vous nous dites là, Yannick. Pas forcément léniniste, parce que trotskiste, enfin bon. Non plus. Si, cette idée que la révolution doit passer forcément par ce stade de. Elle ne doit pas passer, c'est là où je ne sais pas du tout léniniste, elle ne doit pas passer, il n'y a pas de stade nécessaire. Napoléon a dit de très belles choses. C'est vrai, vous le citez dans votre nouvelle histoire de la Révolution. De fait, on s'aperçoit que, et c'est assez logique, que des situations où sont en jeu des biens matériels, des positions de domination, rares sont les dominants qui acceptent gentiment de dire « Ah ben on a déclaré les droits, youpi, on est égaux et tout va bien ». Jean-Clément Martin, brièvement, puis Antoine Boulan. Brièvement, parce que sur cette élimination, moi, il me semble qu'il faudrait partir un peu à l'envers. L'élimination, elle est depuis le début, tout le monde cherche à arrêter la révolution, et ce qu'il faut, où on peut être d'accord avec Yannick Bosque sur Thermidor et la lecture du directoire, c'est malgré tout ne pas oublier que Robespierre avait dès mars 1794 éliminé les chefs hébertistes, les avait envoyés à la guillotine, mm-hmm. Quelques mois avant, il avait enlevé aussi de la liberté les chefs des enragés, et que c'est bien dans cette lutte-là que le gouvernement révolutionnaire, entre guillemets, celui qui s'appelle gouvernement révolutionnaire, s'était installé, parce que la Convention, et c'est sûr que c'est un pouvoir constituant, mais qui est devenu illégitime, parce qu'il aurait dû être dissous et remplacé par une nouvelle Assemblée. Donc on est bien là dans un jeu... Il y a pas d'accord avec vous. Allez-y, ah oui, continuez. Mais ça, je suis. Oui, mais j'y peux rien. Mais on est bien là dans cette lutte continuelle entre les conventionnels et les enragés d'abord, puis les sans-culottes ensuite. Enfin, tous ces gens qui manifestent dans les banquets fraternels et Robespierre, à partir de précisément de Prairial 1794, est en train. Qu'on le veuille ou non, autour de ses amis, les Payan, les Lebas, et Henriot et Hermann, en train de prendre le pouvoir à Paris, et les conventionnels autour, y compris Billaud-Varenne, ont peur, et pour moi légitimement, qu'il y ait une prise de pouvoir par Robespierre, le 10 Thermidor, au moment où Robespierre devait présider la fête en l'honneur de Barras et de Fiala. Donc, on est dans cette logique d'élimination. Quand ensuite on élimine 100 Robespierristes d'un coup et qu'un mois après on dit c'est la terreur, pour le dire autrement, ça arrange tout le monde. Et là-dessus, c'est certain que ceux qui viennent de prendre le pouvoir peuvent dire tout ce qui s'est passé là, ce sont des gens dangereux qui ont réclamé des droits absolument exorbitants et qu'on a supprimés au nom de la terreur. Et nous vivons là-dessus. Très brièvement, Antoine Boulan, et puis je pense que Yannick Bosque voudra dire un petit mot pour conclure. Quelle est la question ? Non, il n'y a pas de question. C'était si vous avez à dire quelque chose sur ce qui vient d'être dit à la fois par Yannick Bosque, Annie Jourdan et Jean-Pierre. Non, moi je souscris effectivement à la thèse qui est qu'on a voulu charger Robespierre de tous les maux. Ça, je suis d'accord là-dessus. C'est une responsabilité collective. Et d'ailleurs, le tribunal révolutionnaire, après la mort de Robespierre, servira bien les conventionnels pour les déresponsabiliser des différents votes qu'ils auront prononcés au cours de leur législature, puisqu'il faut rappeler que le tribunal a survécu près d'un an à la terreur et qu'il a permis de juger d'abord Jean-Baptiste Carrier, responsable, pour le dire vite, des noyades de Nantes, et ensuite Fouquier-Tinville lui-même qui est passé devant le tribunal qu'il avait lui-même eu l'occasion de servir pendant plusieurs mois. Yannick Bosque. Un tas d'autres gens. Oui, il y a un tas d'autres. Je veux dire, bon, on peut pas polémiquer, rentrer dans les débats, c'est plus trop le moment, mais pour dire que la terreur, en fait, a été un écran extraordinaire pendant deux siècles pour éviter d'interroger la subtilité des débats, ce moment moment de la Révolution française comme un véritable laboratoire politique qui interrogeait justement ce que pouvait être la place du souverain réellement dans un système représentatif. Dès l'instant où on met terreur devant, évidemment, ça devient l'horreur, le sang, la pagaille, l'anarchie, et donc on n'interroge pas un sujet aussi sulfureux. Merci à tous les quatre, merci à vous, donc Annie Jourdan, pour votre nouvelle histoire de la Révolution qui paraît chez Flammarion, Jean-Clément Martin, Les Échos de la Terreur, c'est chez Belin, et également le livre que vous avez écrit avec Philippe Joutard sur à la fois les Camisards et les Vendéens qui sortira d'ici le 5 octobre. Merci à vous Antoine Boulon, on attendra le 18 octobre prochain votre donc Tribunal révolutionnaire qui paraît chez Perrin. Et quant à vous Yannick Bosque, vous avez écrit avec Marc Bélissa Le Directoire, La République sans la démocratie, c'était aux éditions de La Fabrique. Demain on conclura notre série en nous intéressant au bicentenaire de la Révolution française et en particulier à la position très particulière que tenaient dans le défilé du 14 juillet 1989 les musiciens traditionnels. Je me suis inscrit sous l'aimable invitation d'amis qui m'ont dit « viens, on sera plusieurs ». Ça n'a pas été un mouvement associatif. Pour moi, c'est un ensemble d'individus qui ont trouvé l'idée sympa ou bon, qui ont eu envie de participer. Alors, il est évident qu'il devait y avoir peu de monarchistes parmi nous. Mais quand on enlève les monarchistes en France, il reste quand même une frange de la population assez importante pour trouver 1000 musiciens traditionnels. Certains ont dit « on y va », d'autres ont dit ben, « non, on n'y va pas, on n'y va pas ». Nous ne voudrions pas être considérés ici comme ringards, rabat-joie ou anti-révolutionnaires primaires, mais ce projet, sous couvert d'exotisme et de créativité, est extrêmement provocant pour qui considère que ces musiques signifient autre chose que prétexte à spectacle. La forme elle-même était quand même très centralisée. On n'imaginait pas forcément que nous, le commémoration de 89, même si c'était la prise de la Bastille, et était forcément obligé d'être à Paris, héritier de cultures qui ont été diffusées partout en France et qui avaient une originalité. Il ne nous semblait pas que c'était la chose la plus importante que de nous faire défiler sous l'Arc de Triomphe. L'idéologie révolutionnaire a consisté à laminer tout ce qui pouvait constituer un semblant d'identité locale. Même 200 ans après, le moins que nous puissions espérer est un peu de pudeur. Il voulait que les vedettes des défilés, ce soient évidemment pas les personnes, mais leurs instruments. En contrepartie, du coup, il fallait effectivement que tout le monde soit habillé pareil. Quand cette tenue a été dévoilée, il a passé un assez mauvais quart d'heure, parce qu'effectivement, il les affublait de chaussettes blanches et de chaussures noires. Donc, beaucoup sont allés lui dire, mais déjà, tu veux nous obliger à marcher au pas, nous, on n'aime pas ça du tout. Et en plus, effectivement, tu nous costumes en pingouin. Il y a aussi une difficulté, je dirais, musicale. La première fois qu'on s'est retrouvés les vielles à roues ensemble, Marc-Anthony, qui dirigeait les vielles, était un peu angoissé parce qu'on n'avait jamais entendu 50 vielles sonner ensemble. Et dans ces vielleux, il y avait tous les niveaux. Et la vielle, c'est un instrument dont on dit qu'il faut la moitié de la vie pour s'accorder et l'autre moitié pour jouer faux. Et donc, ça a été un petit peu compliqué. Ah, il y a mille histoires. C'est toujours plein d'histoires. Voilà donc pour un extrait de ce documentaire signé Victor Massé-Dépinay et Marie-Laure Ciboulet qu'on pourra entendre demain dans La Fabrique de l'Histoire, un documentaire sur la position particulière qu'ont tenu les musiciens traditionnels dans la Marche des Mille, c'est-à-dire dans ce grand mouvement qui s'est ébroué sur les Champs-Élysées le 14 juillet 1989. Il faut rappeler aussi que Jean-Noël Jeannet recevra Jean-Clément Martin pour La Terreur et sa trace le samedi 6 octobre. Comme d'habitude, cette émission était donc préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Emmanuel Morzincan était avec nous à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.